Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième pilote de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et dans laquelle on ne se gêne pas pour spoiler. Moi, c'est Hugo, je suis avec Exerve. Salut. Et on est aussi avec Maxime. Salut. Salut à tous les deux. Juste avant de commencer à parler de jeux vidéo, parce qu'on est quand même là pour ça, on voulait simplement remercier tous les gens qui avaient pris le temps d'écouter le premier pilote, le premier épisode de Fin du Game. Tu vas la faire à chaque fois. Hein, ouais, ouais. Non, après, je pense que voilà, c'est bon, la vanne va s'arrêter ici. Mais qui nous ont fait aussi, on a eu beaucoup de retours, globalement positifs. On est super content que le concept vous ait plu. C'est même super sympa parce que en fait, on s'est rendu compte, on a réussi à tout lancer. Alors évidemment, bon, c'était un processus. Hein. On a rajouté au fur et à mesure les différents stores et surtout, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment d'endroit pour recentrer tous vos commentaires. Donc, on a eu des retours par mail, par Twitter. On a eu beaucoup de trucs sur YouTube également. On est en train de voir pour avoir des vrais commentaires sur notre mini-site Pipa. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous les retours parce que nous, ça nous a fait plaisir. On va essayer de revoir le son. On va s'assurer que Hugo parle moins fort et que Maxime parle plus fort. Et voilà, c'est bon. Ouais, ça nous a quand même vachement motivé ces retours-là et on a prévu de faire un épisode toutes les deux semaines. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Alors le premier était sorti un vendredi, je sais pas si ce sera un vendredi sur deux, probablement que ce sera le cas. C'est comme ça à peu près qu'on l'a prévu. Pour l'instant, oui, après, bon, il faut qu'on voit, mais voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'essayer de faire deux numéros par mois, donc c'est déjà pas mal, je trouve en termes de préparation de notre côté. On va s'y tenir, même là avec les fêtes de fin d'année, on va essayer de préparer ça pour qu'il y ait quelque chose entre Noël et le premier de l'an. Voilà, j'annonce, teasing. On s'engage déjà dès le deuxième pilote. Ouais, on est comme ça, hein, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Et du coup, pour rappeler brièvement le concept, donc Fin du Game, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de relecture des jeux sortis plus ou moins récemment. Alors là, on va parler de God of War, on a parlé de Céleste la première fois, c'est des jeux qui sont sortis cette année, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Et l'idée, c'est donc de revenir de manière un peu critique, analytique, pour comprendre la proposition d'un jeu, de ce qu'il apporte au paysage vidéoludique, et puis comprendre aussi un petit peu nos ressentis personnels vis-à-vis de celui-ci. Et du coup, forcément, bah, on se base sur tout ce qui fait les jeux, les éléments ludiques, narratifs, et c'est pour ça qu'on spoil et qu'on va dire tout ce qu'il y a dans les jeux dont on va parler, et aujourd'hui, c'est God of War. Et God of War, bah, du coup, on en parlait la semaine, l'autre fois, je sais plus quand est-ce que c'est qu'on a enregistré, en fait, je dis la semaine dernière, mais je sais même plus quand est-ce qu'on a enregistré, ouais, vous voyez, je suis perdu, moi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et on en avait parlé comme étant un des gros candidats pour les Game Awards, donc bah là, ça y est, c'est officiel, c'est le jeu de l'année pour The Game Awards. Je pense qu'il va recevoir d'autres récompenses au fur et à mesure, et bah, on va le voir, je pense, tout au long de l'émission. C'est pas si surprenant, en fait. C'est vraiment un jeu qui a réussi à changer sa formule avec des choses sur lesquelles on peut revenir. Mais ça va être de toute façon tout le but de l'émission, de se dire bah, quelle est la nouvelle proposition de God of War, c'est quoi ce reboot, et pourquoi il y a des choses qui vont très très bien, qu'est-ce que nous a peut-être pas forcément plu à certains côtés. Et on va voir un peu tout ça, je pense. Exactement. God of War dans Fin du Game, c'est parti. Alors, avant de commencer à parler de jeux concrètement, on va peut-être recontextualiser. Moi, j'aime bien recontextualiser avant qu'on commence. Et donc, God of War, c'est fait par Santa Monica. Santa Monica, qui est un des studios qu'on dit first party de chez Sony. Donc, c'est les studios qui appartiennent à Sony. Ils sont quelques-uns comme ça. Il y a Santa Monica, il y a Naughty Dog, Guerrilla, Sucker Punch. Enfin, bref, il y en a une grosse dizaine comme ça, je crois. Et ces studios-là, ils ont un rôle très important parce qu'ils sont là pour forger l'image un peu PlayStation. C'est eux qui vont être les fournisseurs des gros exclus de la PlayStation 4. Là, cette année, en fait, ils sortent toujours un petit peu au même moment, d'ailleurs. C'est fin du premier trimestre de l'année. Là, cette année, c'était God of War. L'année d'avant, c'était Horizon. Encore avant, c'était Uncharted 4. Donc, la machine est bien huilée chez Sony. Et du coup, Santa Monica, qui avait quand même une grosse pression, parce que du coup, bah, faut continuer à vendre des PS4, même si elle est un peu en deuxième partie de vie, c'est quand même des jeux qui ont le rôle de vendre la PlayStation 4. Et puis, grosse pression aussi, parce que bah, c'est God of War, c'est une licence qui a quand même une certaine cote de popularité. Et là, la volonté, c'était de faire une sorte de reboot. Alors, dans la continuité, je sais pas, c'était quoi ce qu'il a, c'est quoi l'expression qu'il a utilisée. Je sais plus mot pour mot en anglais, mais c'est quelque chose du style un dépaysement familier. Si voilà, un dépaysement familier. Donc il y a vraiment cette intention là de reprendre la licence, mais d'en faire quelque chose de neuf. Et du coup, ça a été une grosse pression sur le directeur du jeu, qui est Cory Barlog. On peut peut-être revenir un peu sur son parcours très brièvement, qui était lead animator sur le premier. Ouais, bah, il a bossé en fait sur tous les God of War à part Ascension, ouais. Donc le dernier épisode à être sorti sur et il est monté en grade hein, en fait dans le, ouais. dans le studio parce que de toute façon Santa Monica, à part God of War, ils avaient fait je crois un jeu qui s'appelait Kinetica il y a très très très très longtemps dont personne n'a jamais entendu parler, donc eux c'est God of War hein, c'est vraiment leur série à eux et bah voilà il est monté petit à petit et il était donc bah, réalisateur sur le God of War 2, ouais. Il était encore sur le début du 3 et en fait bah, le type il a cramé en, voilà il a explosé en plein vol durant le développement de God of War 3 et il s'est pris une pause en tout cas il a quitté Santa Monica pendant quelques temps, il a continué de travailler sur des jeux vidéo mais peut-être pas avec autant d'ambition parce que tu l'as dit ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les first parties de Sony, ils ont donc le. C'est ce qu'on appelle, tu vois, c'est les porte-étendards hein, de Sony. Ouais. Donc, ils doivent mettre en avant la ligne éditoriale de Sony, ils doivent mettre en avant les capacités techniques, les capacités ludiques, ils doivent vraiment défendre la marque PlayStation auprès des joueurs du monde entier. Et donc, de base, un AAA, ça a une pression de malade. Mais là, quand en plus, derrière, t'as ton constructeur qui veut que ton jeu porte, en fait, sa marque, ça rajoute d'autant plus. Donc, je pense que le type, après une dizaine d'années à faire du Kratos, eh ben, il a cramé. Hein, et comme dit, il a explosé en plein vol et il est revenu en fait pour ce nouveau God of War, bon, sachant qu'entre temps il y a eu God of War Ascension qui était un peu l'épisode de trop, c'était un peu ce qui était dit à l'époque dans la presse, qui était un épisode bon. Il n'y a pas grand chose à en retenir. Je n'y ai même pas joué, j'avais fait la démo. Il y avait une espèce de mode multi, c'était super bizarre. Ouais. On ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire avec ça. Je pense qu'ils étaient eux-mêmes un peu dans l'expectative. C'est vrai que quand tu perds. En fait, c'est ça qui est toujours un peu compliqué avec le jeu vidéo, c'est que tu te dis. Ces gros studios comme ça, ils ont des personnalités extrêmement charismatiques, extrêmement fortes, qui portent vraiment des projets à bout de bras. Et quand ils sont pas là, bah mine de rien, ça se sent un petit peu, tu vois. Donc, je pense que Sony, avec le passage de la PlayStation 3 à la PlayStation 4, ils avaient une nouvelle idée, une nouvelle éditoriale, ils avaient des nouvelles licences qui avaient démarré, il y avait The Last of Us qui avait vraiment bien porté le truc, Guerrilla a réussi sa transformation avec Horizon Zero Dawn, etc., etc. Et je pense que Santa Monica, eux aussi, ils avaient besoin d'un nouveau souffle, et moi je serais très curieux de savoir les conditions des négociations entre lui et entre Cory je vais dire Barlog ou Barlog, je vais me tromper une fois sur deux, hein, je vous préviens. Cory Barlog. Barlog, Cory Barlog et le studio Santa Monica, mais en tout cas, il a accepté de porter ce nouveau projet avec a priori la condition de faire un peu ce qu'il avait envie, quoi. Ouais, c'est ça, il est vraiment arrivé avec une vision personnelle, bah, il est devenu père entre temps, et ça a un petit peu influencé, j'ai l'impression, ce qui se raconte dans ce God of War. En tout cas, ça fait partie de son storytelling, hein, parce que c'est vrai qu'il faut aussi après différencier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, moi je trouve, sur toute la production du jeu et la communication du jeu, c'est quelqu'un qui s'est montré comme un personnage extrêmement humain. Tu vois, il s'est beaucoup mis en avant, il a été beaucoup mis en avant, et je trouve que il représente bien en fait l'intention qu'il y a derrière God of War de montrer ce côté peut-être très fort, tout dans la maîtrise, mais aussi conscient de ses faiblesses, tu vois, un peu fragile, etc. Et c'était vraiment très particulier hein, de voir ça, de te dire, tu vois, c'est d'habitude, on est plutôt dans la surenchère, c'est le jeu le plus exceptionnel de l'univers, et puis surtout c'est God of War. God of War, c'est la série la plus épique de l'univers. Enfin, en tout cas, ça fait partie des trucs les plus stupides. Je crois qu'à part Azura Azuraf, il n'y a pas grand chose qui a essayé d'aller plus loin dans le what the fuck badass épique scène, de la mise en scène. Et donc, ils arrivent avec une proposition totalement différente. Et ce gars-là, en fait, ça a vraiment été le visage. Vraiment, lui-même a été le porte-parole de son propre jeu. Quoi. C'était assez particulier comme façon de faire. C'est vrai qu'on se souvient quand même tous un peu à la sortie du jeu. Il y avait une vidéo de lui en train de lire les reviews et qui pleurait, en fait. Qui était très ému de tout ce qu'il avait pu lire dessus. Peut-être un peu soulagé, je sais pas. C'est peut-être une interprétation de ma part. Parce qu'on parlait quand même de la pression qu'il y avait derrière ce jeu. Ouais, on imagine qu'il y a eu une bonne dose de crunch à la fin du sort de la. Enfin, c'est un jeu en termes de polish qui est quand même très très très très fort. On imagine que ça a dû bien cravacher quand même à la fin. Ouais, et puis surtout il a pris un risque incroyable parce qu'il a réussi, en fait ce qu'il faut s'imaginer pour se mettre deux secondes dans l'état d'esprit du mec, il a réussi à convaincre un paquebot, parce qu'il faut je sais pas si vous imaginez l'inertie dans une compagnie comme Sony ou dans un studio comme Santa Monica, quoi, pour que quelqu'un arrive tout seul à pousser des centaines de personnes à le suivre, etc. Le type, il se retrouve avec une armée derrière lui et tout le monde lui fait confiance. Tout le monde était là, genre, bon, bah, ta vision, ça passe ou ça casse. Donc t'avais des types qui devaient attendre, tu vois, dans les coins de d'or, dans les coins de porte avec des épées pour lui faire harakiri direct dès que le jeu allait pas marcher. À l'inverse, t'avais des gens qui étaient prêts à lui monter sur un piédestal. Donc le type, il a dû vraiment vivre quelque chose de très dur. Donc moi, je suis assez cynique. Donc c'est vrai que j'ai quand même tendance à me dire qu'il y avait un petit peu de mise en scène dans cette petite vidéo avec une webcam dégueulasse, une absence de son. Tu te dis, le type, il est millionnaire, il a même pas une webcam chez lui. Enfin, c'est quand même un peu. Voilà. Bon, personnellement, je trouve ça un petit peu surprenant. Mais le fait est que ça représente bien et ça. C'était dans la logique de la communication de Sony de dire le type il a tout porté à bout de bras et à la fin le soulagement de oh, le jeu il marche, il cartonne et en plus bon bah God of War ça a été une avalanche de bonnes notes. Je crois que si on n'avait pas eu Red Dead 2 cette année, il y aurait rien eu au-dessus en termes de notation hein, de toute façon. Effectivement. On va peut-être du coup passer vraiment au jeu. Peut-être commencer par faire un bref résumé de l'histoire, parce que cette fois, bah, la narration a une grosse, grosse place dans ce God of War. Alors, avant, il y avait des histoires dans God of War, mais c'était peut-être moins. C'était pas forcément ce qu'on retenait. Du coup, Maxime, je crois que c'est toi le dernier d'entre nous qui l'a fait. Oui. Je crois que toi, comme moi, Exer, on l'a fait à peu près à la sortie. Ouais, je l'avais récupéré à la sortie. L'avais fait à ce moment-là. Et toi, Maxime, bah, tu l'as fait récemment. Et du coup, bah, c'est toi qui vas avoir l'honneur de résumer l'histoire, comme c'est le plus frais dans ta tête. Ouais, même si j'en fais une version quand même relativement courte, ouais, hein, parce qu'il y a plein de points du scénario sur lesquels nous on va pas particulièrement s'attarder. Donc en gros ça commence où on voit qu'on apprend que Kratos a un peu fondé une nouvelle vie, il a une nouvelle femme, il a un fils, et ça commence quand bah, ils incinèrent en fait le corps de Faye, donc la femme de Kratos, l'ancienne femme de Kratos, donc lui et Atreus qui est donc son fils. Et la dernière requête en fait de Faye, c'était de voir ses cendres être dispersées, ses cendres dispersées du sommet de la plus haute montagne. Donc ils vont partir un petit peu pour cette aventure, ce qui va être l'occasion du coup de nouer un petit peu des liens familiaux entre le père et le fils, des liens qui étaient assez maigres. c'est moins qu'on puisse dire, parce que Kratos il incarne quand même cette image ultra paternaliste, très masculine. On aura l'occasion probablement d'y revenir. Et une fois toutes les péripéties tranchées, décapitées ou écrasées sous un rocher, Kratos et Atreus apprennent que Faye en fait était une géante, donc dans le sens nordique du terme, donc c'est plus ou moins une déesse. Il y a des petites subtilités qui sont difficilement compréhensibles. C'est une race en fait qui était là avant les Aesir, qui est en fait la caste des dieux qu'on connaît, Odin, Thor, etc. Et donc ils étaient là avant, tout simplement. Est-ce que c'est pas l'équivalent des Titans dans le mythologiquement, on va dire. On peut faire un rapprochement. C'est pas très juste. Il y a des gens qui vont sursauter sur leur chaise en entendant ça. Et je m'excuse d'avance, mais par contre, l'idée, de loin, on peut dire ça un peu. Parce que t'as des fils de géants qui sont des fils de dieux qui sont des gens, donc bon, c'est pas hyper clair. Et puis, t'en as qui sont effectivement géants. Faye, a priori, ne faisait pas 8 mètres de haut, sinon je pense que Kratos est. Non, mais en fait, c'est un terme, tu vois. Mais t'en as les géants, sont, mais ils sont pas forcément grands. En fait, ouais, tu vois, c'est un peu. Ouais. Mais oui, comme t'en as qui le sont, c'est un peu. Tu peux te poser la question. Et donc ils voient des gravures aussi sur un mur, en fait, au moment où ils arrivent vraiment au sommet donc de la plus haute montagne, qui est un peu l'endroit où étaient les derniers géants, il y a une gravure plutôt qui retrace un petit peu le parcours qu'ont eu Atreus et Kratos, alors que c'est un truc qui a l'air d'être vieux, donc c'est quelque chose qui prédisait en fait l'avenir. Et on voit notamment un moment où Kratos en fait voit une scène où il a l'air d'être mort ou de mourir, il y a 36 000 façons de nous faire croire que c'est sa mort, alors que ça ne l'est pas. Mais on verra dans les prochains opus. Il décide de cacher ça à Atreus, il n'y a que Kratos qui est au courant. Et donc ils répandent les cendres, Faye qui voulait probablement retourner un petit peu parmi les siens, en fait, parmi les derniers géants, bon ça c'est une interprétation. Et une fois qu'ils sont rentrés, il y a Atreus qui fait un rêve, où en fait il y a Thor qui arrive plusieurs années après, en tout cas quelqu'un qui est électrique, a un marteau électrique, dans une scène un peu cow-boy, où on le voit, il lève un peu sa cape, on voit un marteau électrique, il fait remuer un peu ses doigts par-dessus. Comme s'il voulait dégainer son marteau, c'est une mise en scène vraiment très particulière. Et donc ça termine comme ça. Parce que, alors on l'a pas dit, mais c'est vrai que la présence de Kratos sur les terres nordiques ne va pas forcément arranger un petit peu tout le monde. Il y a d'autres, on va croiser d'autres divinités un petit peu de ce monde-là, notamment pas Baldur. Trop, tu vois, ils ont pas été, ça, ouais, ils ont été assez soft. Hein, tu sens qu'ils sont en train de mettre en place leur nouvel univers. Ouais, hein, parce que bon, le départ de Kratos de Grèce n'a pas forcément été explicité. Au contraire, c'est même justement, ça fait partie de tous ces éléments que Kratos veut masquer et cacher à son fils, puisque Atreus, du coup, ne sait pas. Hein, tout l'enjeu d'une partie de l'histoire, c'est qu'Atreus n'est pas conscient qu'il est lui-même le fils d'un dieu et d'une déesse a priori, et qu'en plus de ça, on apprend le twist, c'est que en réalité, ça serait la divinité Loki, qui est un peu on va dire le pas gentil, pas gentil, tu vois, de ce panthéon-là, un peu une divinité un peu mischievous, donc comme on dit en français, j'ai plus mes termes, tu vois, qui viennent un peu, tu vois, qui fait des bêtises, qui est un peu manipulateur, qui est un peu manipulateur, un peu séducteur, etc., qui est pas, fourbe, c'est pas mal. Fourbe, c'est pas mal. Et du coup, ce qui est intéressant donc, dans ce God of War, déjà, il y a une grosse intention qui a été affichée dès le début, c'est la volonté de raconter toute cette histoire en plan-séquence, en un seul plan-séquence. C'est quand même une prouesse, c'est assez impressionnant quand même la façon qu'ils ont de tout le temps lier les séquences de jeu aux séquences cinématiques, et il n'y a pas de cut, il y a zéro cut. Ouais, c'est ça, le plan séquence, juste pour rappeler un petit peu en termes cinématographiques. Donc, une séquence, c'est simplement quand vous allumez la caméra, vous arrêtez la caméra. Et en fait, la différence avec un plan séquence, c'est que tu vas pouvoir changer d'angle, etc. Mais il n'y aura jamais un moment où effectivement l'image va être coupée. Parce que du coup, des fois, on ne le sent pas. Même juste une ouverture de porte, on peut faire un montage ou un cut au cinéma. Là, tout est fait avec caméra à l'arrière et ça dure pendant l'intégralité du jeu. Et ça, ça révèle énormément de choses, on va en parler. Mais déjà, en fait, même en termes de prouesse technique pour un jeu vidéo, c'est déjà extrêmement compliqué parce que du coup, eux-mêmes se sont mis des gros bâtons dans les roues parce qu'il aurait été beaucoup plus simple des fois de mettre un pauvre écran de chargement ou un petit fondu au noir sur certaines choses, mais ils l'ont pas fait. Et puis même sur la motion capture, ça leur a posé des problèmes parce que justement, le mouvement ne se coupe que par les séquences de gameplay, donc ça a été très dur pour eux de tout mettre en place en fait. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à d'abord tout imaginer avant de pouvoir vraiment rentrer en phase de production et pouvoir arriver à mettre ça en place, quoi. Ouais, parce qu'en plus c'est pas un truc que tu peux te dire au milieu du développement et tu dis hey les gars, au fait, tu vois, c'est pas comme Red Dead 2 où ils se sont dit on va rajouter des bandes noires et bon, ça a rajouté 6 mois de boulot. Là c'est un truc, si tu l'anticipes pas dès la pré-production, que ça va être, enfin ça va être un merdier total. Donc c'est vraiment une intention de Barlog à ce niveau-là, ça c'est évident. En plus, c'est quelque chose dont il a parlé comme étant quelque chose d'assez compliqué à vendre, parce qu'il a dû les convaincre, et c'est pour ça, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'imagine pas, à mon avis, la liste des choses qu'il a dû leur faire avaler pour pouvoir amener son projet là où il avait envie d'y être. Et donc, le plan séquence, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, en fait, au cinéma, de lier le spectateur avec la temporalité de ce qui se passe à l'écran. Donc en gros, quand toi tu vas suivre une scène, dans les films d'action, les films de combat, etc., moi j'avais une séquence qui m'avait beaucoup marqué dans Children of Men, où il y a beaucoup de plans séquences, qui est une scène un peu de guerre, un peu où t'as la caméra au niveau du sol qui suit le personnage, et toi en fait tu vas vivre les choses dans le même temps, une seconde et une seconde, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui permet de renforcer l'immersion, et dans un jeu vidéo, c'est très osé, parce que ça dure une vingtaine d'heures. Tu vois, c'est pas un plan séquence de 5-10 minutes, qui est déjà une prouesse pour des acteurs dans la vraie vie. Là, c'est un plan séquence de 20 heures. Ouais, on voit que Cory Barlog, j'ai failli dire Balrog encore, avait vraiment en fait une volonté narrative, en fait, en tout cas de narration, où vraiment pour lui God of War c'est pas que un reboot et tout, c'est une volonté de raconter l'histoire de Kratos et d'Atreus, ce lien en fait entre père et fils qui se noue, et le plan séquence pour lui c'était vraiment le moyen en fait de voir un petit peu l'aventure par leurs yeux, en tout cas de se rapprocher d'eux, puisque en plus la caméra est aussi très resserrée, en tout cas par rapport aux anciens God of War, et là aussi ça sert vraiment une certaine volonté de sa part. Oui, il y a une espèce de, c'est vraiment un voyage initiatique, on va dire, enfin en termes de structure, il y a un peu ce côté à la fois voyage initiatique mais aussi un peu road movie, on en avait parlé un petit peu comme ça ensemble, et c'est vrai que ce plan séquence, d'être vraiment en intimité avec ces deux personnages et d'être aussi près d'eux, et surtout toujours dans la même temporalité avec eux, ça donne vraiment une sensation qui est assez unique en fait, d'avoir parcouru tout ce qu'ils vont parcourir. C'est peut-être même un peu trop, parce que le jeu on le fait pas nous en une fois, on le fait en plusieurs fois, et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de se dire que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait simplement en 24 heures chrono, en plan séquence, c'est un petit peu presque trop, je trouve. Ouais, parce que même si ça le côté de la caméra serrée, elle permet d'offrir quelques moments cool d'immersion, notamment en jouant sur le hors-champ, en fait, il y a quelques scènes qui marchent plutôt bien, je pense juste à une fois où, et en plus c'est assez bien amené, même en termes de gameplay, puisqu'en fait il y a une scène où on lance notre sur des ennemis en fait qui nous balancent des trucs, et quand on tue le dernier, il y a un ennemi qui surgit en fait hors champ qui était à côté de nous, et ça passe complètement en cinématique. Donc t'as des petites mises en scène comme ça qui marchent super bien, mais effectivement comme dit Hugo, sur la durée c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Bah oui, c'est l'avantage en fait d'avoir la caméra au niveau de l'épaule, la third person, c'est ça, c'est que c'est génial, c'est que c'est vraiment des intentions de cinématographe, tu vois, de réalisateur, de vraiment d'un type qui a envie de raconter une histoire. On est vraiment dans une volonté de raconter quelque chose, et donc forcément quand t'as la caméra avec l'angle qui va être du coup derrière Kratos, tu as finalement son champ de vision. C'est un peu ça l'idée, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est exploité en permanence avec le fait qu'Atreus l'accompagne, hein. Ça on aura l'occasion d'en reparler, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment très particulier comme intention, parce qu'effectivement, ils ont dû très vite se rendre compte que le jeu allait être plus long que n'importe quelle session de jeu. Alors que moi, je serais très curieux de voir, en fait, tu vois, ça me donnerait presque envie de me dire, est-ce que je pourrais arriver à faire le jeu en une seule session, tu vois, limite en skippant plein de trucs, en évitant les zones optionnelles, pour me rendre compte de vraiment le... cette espèce d'immense tunnel, parce que bon, effectivement, tu le disais, tu vois, ça sera en 24 heures, les mecs, il leur arrivait une tonne d'aventures. Bon, ça reste des dieux, donc c'est pas grave, tu vois, au niveau cohérence, ça reste un peu, tu peux le comprendre, mais moi je serais vraiment curieux en fait d'essayer de le faire, le voyage avec eux, tu vois, en une seule fois, pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et moi, c'est une réflexion que j'ai eue en fait grâce à Atreus, où à un moment il dit, alors je crois que c'est vers la moitié du jeu quand t'as fini de battre le dragon, où il dit vraiment, tu vois, à son père, ah, tu te rends compte de tout ce qu'on a fait, on a battu des dragueurs, des trolls, on a vu une sorcière, on a battu un dragon. Et moi j'étais, ah ouais, c'est vrai qu'en fait pour eux c'est vraiment sur une journée, parce que moi ça s'est fait sur une semaine, tu vois, j'y jouais pas tous les jours, et j'avais un peu oublié que ça se faisait vraiment sur la même temporalité, quoi. Et si je prends un exemple, si je compare par exemple, donc on parlait de plan séquence tout à l'heure, plutôt du cinéma, moi j'ai un exemple un peu à mettre dos à dos avec ça, ce qui est plutôt Gravity. Alors qui est pas complètement plan séquence, mais qui a des plans séquences et des très longs plans. Et là pour le coup, moi je me souviens à la fin du film où j'avais vraiment l'impression en fait d'avoir accompagné quelqu'un et de me dire ouais, ok, j'ai vraiment vécu en fait une aventure du point A au point Z, quoi, en passant par toutes les autres lettres. Et là à la fin de God of War, bah pas vraiment, tu vois, il a fallu qu'Atreus me dise, ah, on est passé par le point B, par le point C, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est la même journée, quoi. Parce qu'en fait par rapport à un film où le plan séquence tu vas forcément pouvoir l'avaler d'un seul coup, là dans God of War c'est quand même compliqué de jouer 24 heures d'affilée, et du coup bah forcément ça se dilue, c'est-à-dire que toi-même tu t'imposes des cuts finalement au jeu, quoi. Mais par contre ça a quand même un effet bénéfique, c'est que comme on est sur une notion où tu vas jouer sur plusieurs jours, tu vas tout de suite te retrouver dans l'immersion. Tu vois, c'est aussi ça qui est intéressant avec ce choix-là, c'est que du coup, à chaque fois que tu vas relancer le jeu, t'as ce côté très moderne où t'as pas de transition entre le moment où t'as l'écran start et le moment où tu reprends le jeu, tout se fait par un simple mouvement de caméra, sans vraiment sentir l'écran de chargement, et donc en fait, le jeu va te réaspirer instantanément. Et ça, j'avais trouvé ça quand même assez fort comme sensation, parce que c'est vraiment un jeu où... t'as vraiment l'impression d'y être en permanence, en fait. Parce qu'en plus de ça, bon, moi, comme je joue au casque, vu que je l'ai fait en streamant, j'avais en plus tout ce côté vraiment... voilà, j'étais immergé à la fois sur le côté sonore et au côté visuel, quoi. Et donc ce plan séquence, bah, il sert vraiment cette relation entre Kratos et Atreus, qui est vraiment bah, le cœur du jeu, le cœur de ce qu'a voulu raconter Cory Barlock. On va tous... On va l'appeler Cory. On va l'appeler juste Cory. Voilà, mon cher Cory, on t'appelle Coco ou Cory. Et donc ils ont vraiment un arc, c'est vraiment l'arc narratif du jeu, c'est cette relation, et qui va passer donc de Kratos qui est très très froid vis-à-vis de son fils. On a même l'impression que finalement il a pas été très présent, qu'il est un peu là, qu'il redébarque un petit peu à ce moment-là parce que la mère elle est morte et que il doit gérer son pilon, quoi. Et après finalement tout ce qui va leur arriver va les rapprocher. Et ce qui est bien, c'est que ça c'est pas seulement raconté avec des mots ou des cinématiques, ça se traduit aussi quand même un petit peu en jeu. Il y a quelques éléments de gameplay qui vont vraiment traduire ça. Ouais, complètement. En fait, du coup, bon, Atreus, il est tout le temps avec nous. C'est ce qu'on a dit, hein, plan séquence. Atreus est tout le temps en train de faire des commentaires. Je pense qu'on en reparlera, ou je peux le dire maintenant. Lui, en fait, moi, je trouvais qu'il avait un rôle un peu méta, parce que, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, tu vois, il fait des commentaires sur ce qu'ils font. Lui, en fait, c'est le... Enfin, Atreus, il a vraiment ce rôle dans leur relation de faire remarquer les choses, tu vois, de parler de ce qu'ils font à Kratos et d'essayer de faire réagir Kratos. Parce que ce qui est vraiment rigolo, c'est que, comme tu le disais, au tout début, Kratos, il parle pas. Tu vois, c'est le mec qui dit bruit toutes les deux secondes, donc il a pas vraiment envie de parler. Et puis surtout, c'est pas un personnage qu'on avait l'habitude de voir parler. Enfin, Kratos, c'est un personnage de jeu vidéo du siècle dernier, en fait, tu vois, quasiment. C'est un gros gars, il est chauve, il est musclé, il tue tout, t'appuies sur des boutons pour faire des coups de rein sur des nanas dans des scènes un peu cachées, et ensuite tu vas tuer 15 dieux sur des scènes où tu vas monter sur une montagne, tu vas tomber dans les enfers et remonter dans le ciel, enfin voilà. Il fait ça tout bien, et là maintenant il se retrouve avec un gamin. Et c'est vrai que du coup, déjà de base, t'as un décalage assez humoristique, parce que tu te retrouves avec un personnage, tu dis « Ah ouais, Kratos, il peut aussi avoir des enfants », donc déjà c'est un premier choc, et le fait qu'il t'accompagne en permanence et qu'il commente en permanence, c'est rigolo parce que tu vas ressentir l'agacement de Kratos très rapidement, très vite, ça va l'énerver, et même toi, parce qu'au bout d'un moment, t'es là genre « Mais tais-toi », tu vois, genre, Atreus est tout le temps en train de parler, il est tout le temps en train de faire des commentaires sur ce qui se passe, « Oh, t'as vu ça, il se passe ci, il se passe ça », et en fait, ce qui est génial, c'est que ils mettent ça en place pour t'expliquer que Atreus sert le gameplay, parce qu'en fait, comme toi, tu as un champ de vision qui est complètement limité par Kratos, qui c'est qui va t'aider pour savoir ce qui se passe là où tu ne regardes pas? C'est Atreus. Et Atreus, en fait, il est là en permanence pour te dire « Attention, derrière toi, à gauche, à droite, etc. » Et il est tout le temps en train de te rappeler à l'ordre et de t'aider. Et plus... Et ce qui est, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette relation-là, c'est que, en fait, il force le joueur à accepter la présence d'Atreus et à même se dire « Ah putain, heureusement qu'il était là. » Et donc, en fait, tout comme Kratos va devoir accepter la présence de son fils et un peu apprendre à lui parler, le joueur doit apprendre à accepter et à utiliser Atreus de manière fine, parce qu'en fait, il est vraiment là pour t'aider. Et à côté de ça, il a aussi sa personnalité, et qui est notamment exprimée, en fait, par le gameplay. Enfin, moi, je me souviens vraiment de deux moments. Il y a donc le premier moment où il tue un homme, en fait, pour la première fois, et tu dois faire une espèce de petite boucle de gameplay où, en fait, tu dois envoyer Atreus à un endroit auquel toi tu ne peux pas accéder pour qu'il te fasse tomber une chaîne ou un truc comme ça, et tu dois vraiment le rappeler à l'ordre genre 3-4 fois parce qu'en fait il est sous le choc, tu vois, il vient de tuer une personne. Kratos en mode Kratos, il lui a dit ferme ton cœur, ferme tes émotions à ça, tu vois, et voilà, pour Kratos c'est bon, il lui a donné sa petite leçon, c'est fini, mais tu te rends compte après, quand même juste après, il est encore choqué, tu dois lui dire bah boy, tu vois, parce qu'en fait il y a un bouton qui est attribué même à Atreus en fait pour toutes ses actions, alors quand c'est en combat, c'est il le même des dans flèches. Tout le jeu. C'est le même dans tout le jeu, c'est carré, il me semble d'ailleurs, je crois. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, en fait, quand tu lui donnes un ordre, il faut que tu appuies sur le bouton, et là, tu vas devoir appuyer plusieurs fois sur le bouton parce qu'il va pas aller directement faire l'ordre bêtement. Il va attendre un petit peu, il va en faire un peu qu'à sa tête, ou il va rester dans ses pensées à cause de ce moment-là. Quoi. Donc il n'est pas là que pour te servir, il a quand même un petit peu ses émotions, et t'es obligé en fait de t'en rendre compte en tant que joueur, parce que sinon bah, l'aventure n'avance plus. Et t'as un autre moment sinon où bah, là ils se sont plus trop pissés. C'est quand il apprend qu'il est un dieu. Ouais, voilà, il apprend que Kratos est un dieu et que du coup lui aussi c'est une divinité, et il prend vraiment la confiance en lui. Il y a des petits moments, enfin bon, pas subtils, mais il y a des moments qui changent un petit peu où quand on lui demande de tirer des flèches donc pour ouvrir certains trucs, il fait des petits whatever, tu vois, il s'en fout un peu, enfin il fait un peu sa crise d'ado, on a l'impression. Et par contre, il y a des moments où en termes de combat, il est vachement plus agressif, il utilise ses pouvoirs et tout, alors que tu lui as rien demandé, c'est des pouvoirs que normalement tu commandes logiquement. Et du coup, bah, en gameplay, en fait, on comprend un petit peu l'humeur d'Atreus. Alors, pas tout au long du jeu, mais il y a des petits moments qui étaient suffisamment intéressants pour être notés. Moi, ça me fait penser un peu à The Last Guardian, d'une certaine façon, parce que t'avais vraiment cette relation avec Trico qui ne t'obéissait pas tout le temps, qui était vraiment un petit peu... C'était limite un peu trop aléatoire. Et au fur et à mesure du jeu, il va de plus en plus répondre à tes appels. Et là, c'est vrai que, je sais pas, bon, c'est aussi un studio first party, enfin, c'est vraiment aussi une exclu Sony. Est-ce qu'il y a une inspiration un petit peu de prendre cette mécanique de ne plus pouvoir donner des ordres, tu vois, pour transmettre cette émotion? Ça fonctionne bien, tu vois, ça fonctionne super bien. Et je pense que si l'intention qui s'est posée, c'est, alors je pense, il y a du The Last Guardian et j'y avais pas pensé, mais c'est très pertinent de dire ça. Et t'as aussi du The Last of Us, ouais, en fait, parce que t'as les deux, et parce que t'as la relation entre Joël et Ellie, mais Ellie en fait tu la contrôles pas. Non. Ouais. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que The Last of Us, Naughty Dog, ils ont essayé de faire une relation où toi tu joues un personnage, mais l'autre tu n'as aucun contrôle dessus. Et là, eux, God of War, ce qu'ils ont fait, c'est que tu joues le père d'un gamin. Donc en fait, tu peux lui donner des ordres. Et en fait, cette relation-là, elle est exprimée par le gameplay, puisque du coup, tu peux le contrôler, tu peux le rappeler à l'ordre, tu peux lui parler, etc. Et donc, en fait, ils arrivent... J'arrête pas de dire. Donc, en fait, ça va pas du tout, ça. Donc, je vais essayer de faire attention. Mais le fait est que comme c'est prévu dans le gameplay, ils ont voulu, je pense, qu'on comprenne petit à petit l'évolution de la relation à travers juste ce fameux bouton carré. Et cette scène-là où il commence à faire sa crise d'adolescence, c'est vraiment le moment où tu te rends compte que c'est un vrai personnage. Ouais, tout à fait. C'est pas juste un faire-valoir qui était juste là pour quoi que ce soit. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que il s'affirme. Tu vois, il brise l'armure, il est chiant, il est vraiment relou pendant une heure ou deux, il est vraiment désagréable parce qu'il fait n'importe quoi, il t'écoute pas, etc. Et ce qui est génial, c'est que tu te dis, ah ouais, mais en fait, Kratos lui aussi, ça doit le saouler, tu vois. Et j'ai trouvé ça super parce qu'ils arrivent à te mettre à la place de Kratos. Et c'est ça, hein, l'intention depuis tout à l'heure qu'on dit, plan séquence, caméra à l'épaule, ils veulent que tu prennes la place de Kratos et que tu t'identifies à lui et que tu ressentes ce que lui ressent dans la relation avec Atreus. Puis enfin, en fait, c'est presque littéral parce que finalement, le bouton carré, c'est un contrôle, tu vois, c'est vraiment un contrôle que tu as sur Atreus. Et en te l'enlevant, bah, il lui enlève un petit peu cette cache qu'il a. Et du coup, bah, ça prend toute sa saveur vraiment manette en main, quoi. C'est vraiment, tu comprends vraiment ce qui est en train de se passer dans la tête d'Atreus parce que tu peux plus appuyer sur ce bouton carré et fais plus ce que tu lui dis avec ce bouton, quoi. Exactement, c'est le genre de choses que tu ne peux pas ressentir dans un autre média parce que du coup, t'avais l'habitude que quand tu appuies sur un truc, il se passe quelque chose, on t'a habitué pendant des heures à faire ça, et là, pouf, on s'amuse à te l'enlever. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'assez courant dans du jeu vidéo, de t'enlever le contrôle, tu peux plus courir, tu peux plus sauter ou quoi que ce soit, de t'enlever les pouvoirs. Mais là, comme c'est lié à la relation entre Atreus et que ça permet de mettre en avant son changement de personnalité, ça fonctionne à fond, quoi. Et ce qui fonctionne assez bien aussi dans le jeu, c'est pas seulement le changement d'Atreus, t'as aussi le changement de Kratos en fait vis-à-vis d'Atreus qui a une vraie évolution en fait. Et le moment où tout démarre, c'est quand Atreus, bon, on disait il apprend que c'est une divinité, mais la raison pour laquelle il apprend, c'est parce que Kratos doit lui dire, parce que avant ça en fait, donc Atreus ne sait pas, il croit qu'il est humain, et il y a une espèce de dissonance cognitive un peu qui se crée en lui où l'esprit croit qu'il est humain, mais le corps est divin, donc apparemment ça crée des maladies, donc faites attention chez vous, dites à vos enfants que ce sont des dieux. Et donc, y a une scène assez cool en fait où Kratos revient à la maison. Ouais, exactement. En fait, Atreus tombe malade et Freya, pour moi. Donc, elle est la sorcière un peu du jeu qui va avoir un rôle important d'ailleurs dans l'histoire. En fait, elle explique à Kratos qu'elle peut le soigner s'il va récupérer le cœur du gardien des enfers du coin. Mais par contre, le problème, c'est que en enfer, la hache Léviathan de Kratos n'est pas utilisable. Elle ne fonctionne pas sur les ennemis qui sont là-bas. Et du coup, Kratos, la solution qu'il va trouver, c'est d'aller chercher ces vieilles lames du chaos qui est en fait l'arme vraiment iconique de God of War, de tous les anciens jeux. Et c'est une mise en scène qui est vraiment, vraiment intéressante. J'ai trouvé, donc Kratos, il va se foutre sur un espèce de petit canoë et il va faire quelque chose d'assez inédit, c'est qu'il va réfléchir. Vraiment, il se pose sur ce canoë et tu sais, il prend vraiment la pose de penseur. Tu sais, j'ai re-regardé la séquence, il commence à se caresser la barbe un petit peu, tu vois, il commence à réfléchir, ce qui est quand même particulier pour Kratos. Et donc, il est sur ce canoë qui va suivre le long de la rivière qui va le ramener chez lui. Et en même temps, il y a une espèce de grosse tempête, il y a une espèce d'orage qui est en train de se passer au-dessus de lui. Et bon, c'est une manière de symboliser un peu le conflit qui est en train de se passer en lui, parce que chercher les lames du chaos, pour lui, ça signifie beaucoup. Parce que les lames du chaos, c'est le symbole, en fait, de l'asservissement au dieu de Kratos. C'est-à-dire, c'était les lames qui lui donnaient tout son pouvoir avant. Enfin, c'est pas ce qui lui donnait tout son pouvoir, mais en tout cas, tout ce qui lui permettait de l'exprimer. Mais elles sont accrochées à des chaînes, et c'était ces chaînes, en fait, qui l'asservissaient au dieu. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il va aller déterrer ça, c'est quelque chose qu'il avait fui, et il va aller le déterrer, il va aller chercher tout son passé de monstre, tu vois, sanguinaire, violent, et cette fois il va pas le mettre au service des dieux. D'ailleurs, il y a le fantôme d'Athéna qui apparaît, qui lui dit tu seras toujours un monstre, tu peux pas être un père, et là il lui répond, il dit ouais, mais je suis un monstre, mais je suis plus votre monstre, tu vois. Et du coup, là il va aller déterrer toute cette violence, ce passé là mais il va s'en servir pour aller sauver son fils en fait. Et c'est vraiment un moment pivot pour lui, pour le personnage de Kratos, quoi. Bah, on comprend en fait à ce moment la relation qu'il a avec son passé et pourquoi il le cachait en fait, puisque bah, comme tu disais, Athéna le qualifie de monstre en fait. Pour lui, son passé, c'est ce qui faisait de lui un monstre, c'est ce qu'il a complètement laissé derrière lui. Il veut plus être ça, c'est pour ça qu'il a rien dit à Atreus, parce qu'il veut pas montrer à Atreus en fait ce qu'il était. On en reviendra plus tard sur des petits détails aussi qui montrent la relation de Kratos à son passé. Et il y a un petit peu cette phase, alors comme dans un autre jeu dont vous avez peut-être entendu parler, un petit peu d'acceptation de soi au final. C'est un peu comme, en plus, il a grimpé une montagne. Non mais attendez, on avait tout prévu, on est d'accord, hein. Ouais, c'est vrai, on peut faire un rapprochement un peu céleste, God of War. En tout cas, Kratos doit accepter son passé et, comme tu disais, le mettre cette fois-ci au service de son fils. Il doit donc non seulement s'accepter, mais en plus se montrer en fait à son fils. Et l'autre épreuve sera que son fils l'accepte en fait lui aussi. Il prend vraiment ses responsabilités en fait en prenant ses lames. Il assume tout ce qu'il est. Il reprend cette partie, mais cette fois il la met au service pour sauver son fils, quoi. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce passage là, c'est que c'est une nouvelle arme dans un beat'em all, en fait. C'est la deuxième arme du jeu. Déjà, c'est une vraie surprise. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, vous, mais moi, à ce moment-là du jeu, au bout de 10 heures avec la hache Léviathan, je me suis dit, ok, ça va être la seule arme, quoi. Et là, se dire que tu vas chercher une nouvelle arme, déjà, c'est une vraie surprise. Ça donne un bon coup de frais à la boucle de gameplay, quand même, parce que au bout de 10 heures, elle commence à en avoir bien besoin de redynamiser un petit peu tout ça. Et en plus, bah, c'est quand même c'est plus qu'un clin d'œil à tous les gens qui ont fait un petit peu les God of War d'avant, parce que c'est une arme, on peut penser ce qu'on veut des God of War, mais c'est une arme avec lesquelles on a un passif, on a fait des choses plus ou moins sales avec, mais le fait d'aller les chercher, je trouve que ça, j'ai l'impression que c'est Santa Monica qui se dit, bon bah ok, on a fait tout ça, on va aller le chercher, on l'assume en fait, on assume tout cet héritage de God of War, mais on va le mettre dans quelque chose de neuf. Et j'ai l'impression, c'est pour ça que je trouve ce moment aussi marquant, non seulement il y a une mise en scène qui est assez unique, c'est pas un moment où on joue, où on tape un boss. Il n'y a pas Atreus déjà, c'est un des rares moments où tu joues tout seul. Et c'est assez long, on est juste sur le canoë avec Kratos qui ne dit rien, qui est vraiment en mode conflit intérieur, quoi. Et puis, bah, c'est une nouvelle arme, et cette arme, elle a une vraie signification, elle convoque plein de choses, en fait, dans l'histoire de God of War, et je trouve que bah, c'est une manière très intelligente, en fait, de faire évoluer leur personnage en utilisant tout l'héritage de la série juste avant eux, quoi. Et ça aurait pas été possible si le jeu avait commencé 10 minutes plus tôt. Et c'est pour ça, en fait, que ça intervient aussi tard, en fait, dans le truc, c'est vraiment pour servir le propos global qui est le changement et l'évolution de Kratos, parce que du coup moi c'est comme ça que je l'ai ressenti ce jeu là c'est vraiment en fait à la fois l'histoire de Kratos, mais le parcours de Kratos et le parcours de Santa Monica et celui de Cory Barlog, parce que du coup ils doivent en fait accepter l'idée que leur jeu avant c'était quand même un truc ultra décérébré, c'était vraiment le jeu vidéo des années 90, tu sais, t'appuyais sur des boutons, il se passait des trucs, c'était stupide, c'était débile, c'était misogyne, c'était tout ce que tu voulais, mais le truc c'est qu'ils l'ont fait. Et ils doivent vivre avec ce passé-là. Ça, ils n'ont pas le choix, tu vois. Et je veux dire, c'est comme les mecs d'Horizon, ils avaient fait Killzone. Bref, tous les gens qui ont fait des jeux comme ça un peu débiles, ils ont le droit à une deuxième chance, tu vois. On va pas les punir ni quoi que ce soit. Et tu sens en fait l'espèce de conflit du studio et du réalisateur de se dire, comme tu le dis, on accepte les lames. On le fait, voilà, parce que du coup, t'as des passages hein, tout au long du jeu, dès qu'il va croiser un vase, tu vois, grec qui traîne quelque part dans un trésor, il va le pousser, il va le cacher pour s'assurer qu'Atreus ne le reconnaisse pas, parce que forcément, mon Kratos, c'est un type chauve avec une énorme diagonale rouge, tu vois, sur le visage, et il est représenté exactement comme ça, de manière symbolique. Et d'ailleurs, ce qui est cool dans ces petites scènes, c'est qu'il y a la musique, en fait, qui revient, qui est la musique un peu officielle, mais avec des chœurs, cette fois, et j'ai l'impression que quand il y a ce côté un peu les démons du passé, cette musique vraiment ressurgit, il y a cette musique qui se joue tout le temps quand il récupère ses lames, et j'ai rematé aussi quand il voit le vase et qu'il le pète, t'as aussi vraiment cette musique qui revient, donc le jeu a vraiment conscience, tu vois, de ça. Mais c'est ça en fait, c'est son passé, hein. Il a pas le choix, il faut qu'il vive avec, tu vois, t'as l'impression, je trouve ça génial parce que l'ellipse en fait qu'on a entre la fin de God of War 3 et le début de God of War 2018, c'est finalement le départ de Cory, tu vois, il est pas là, il est pas là dans le studio, donc on sait pas ce qui se passe, et lui il le raconte pas. Il le raconte pas dans le jeu, mais il le raconte pas non plus, tu vois, de manière... On commence le jeu et boum, Kratos a fui son passé, il a changé de pays, il a changé de vie, il se fait même plus appeler Kratos d'ailleurs, tu vois, limite, enfin, on sait pas trop comment il se fait appeler, mais en tout cas, t'as l'impression qu'il a changé de carte d'identité, tu sais, façon espion dans James Bond, quoi. Et du coup, le studio, lui aussi, pendant des années, on n'avait plus de nouvelles, et là, ils reviennent, et etc. Et ça, je trouve ça super d'avoir ce rapport-là, en fait, dans l'évolution du studio, qui est le même que l'évolution de leur personnage, parce que le studio... Et ils sont leurs personnages, en fait. Comme ils n'ont jamais rien fait d'autre, ils n'ont jamais rien montré d'autre au monde que ce côté bestial, vulgaire, grossier, barbare, tu vois, de God of War jusqu'à présent. Et là, ils ont réussi à montrer autre chose. Bah, ils se réconcilient avec eux-mêmes pour en faire autre chose. Et c'est vraiment, c'est le reboot dans la continuité, quoi. Mais c'est vraiment intelligent, je trouve, de s'approprier tous ces éléments-là et d'en faire quelque chose de neuf. Ça montre quand même que, au-delà de ça, au-delà du côté combat et compagnie, c'est des gens qui ont vraiment pensé leur licence et qui ont envie d'en faire quelque chose qui va s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus moderne, en fait. Et ils n'ont pas seulement repensé l'histoire pour le reboot, ils ont aussi quand même amené tout un nouveau lot de mécaniques, des nouvelles mécaniques de gameplay. Et là, la question, c'est est-ce que ces nouvelles mécaniques vont bien avec l'histoire qu'ils ont voulu raconter, surtout la façon dont ils ont voulu la raconter. Là, on est peut-être un poil plus nuancé. Moi à titre personnel c'est vrai que j'ai beaucoup râlé, hein. Plein de gens qu'on considérait que j'avais détesté le jeu parce que comme ils ont vu mes réactions en temps réel, forcément t'as des réactions à chaud et tu peux t'énerver. Le fait est que malgré tout, tu vois, tout ce qu'on a pu dire là sur le côté histoire, moi ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit c'est quand même incroyable de voir un studio de cette ampleur là reconnaître de manière indirecte, hein, mais de reconnaître quand même leurs erreurs et d'essayer d'aller vers l'avant. Et bon, en termes de jeu, ils ont quand même fait un tas de trucs qui fonctionnent très très bien, deux trois trucs sur lesquels je pense on n'est pas trop motivé. Mais la première chose, je pense qu'on peut dire, c'est que le fait que ça soit un jeu qui était pensé comme un plan séquence et qui est quand même à côté autant de menus, je pense que tu vois, c'est un peu un truc où dans lequel tu sens que le studio était un peu tiraillé sur ce qu'il voulait faire. Bah, concrètement, est-ce que le jeu est tout le temps en plan séquence? Non, puisque tu passes, je pense, littéralement des heures au final dans les menus. Je pense que tu passes au moins une ou deux heures dans les menus, et ça, c'est, enfin, tu peux le voir comme des cuts, hein, techniquement. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est pour ça. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire tout ce qu'on voulait dire là pour cet épisode, je me suis dit, est-ce que lui, dans sa tête, Corey, est-ce qu'il s'était pas dit, on aurait pu faire un jeu sans interface? Vraiment, tu vois, est-ce qu'il aurait pas voulu aller au bout du délire de se dire c'est un plan séquence, ça dure 15 heures, y a pas de menu, y a pas de craft, y a pas d'objet légendaire, y a rien du tout, c'est Kratos, son fils, la relation, go, tu vois. Et moi j'aurais, en fait, je me dis, putain, j'aurais adoré ce jeu-là, vraiment, hein, parce que finalement, ce menu-là, tout ce côté-là, c'est des choses qui me parlent en fait, parce que moi j'adore tout ce qui est craft, j'adore les objets légendaires, j'adore les objets avec des couleurs qui sont plus forts que les objets d'avant d'une autre couleur, j'adore ce truc-là, mais finalement, le jeu, il a une proposition qui était beaucoup plus qui était vraiment différente, mais tu sens qu'ils voulaient pas non plus aller trop loin, tu vois. Tu sens qu'ils ont voulu proposer quelque chose, mais qu'ils voulaient quand même rester un peu accrochés à du jeu vidéo, hein, des guillemets, avec ces éléments-là. Ouais, parce qu'en termes de menu, on n'a pas non plus les plus simples, parce que enfin, il y a du loot, il y a beaucoup de crafting, et enfin, comme tu dis, crafting, mais d'armure, d'armes. Tu peux mettre des runes à l'intérieur. Oui, t'as les runes, ouais, t'as tes pommeaux de hache, t'as l'armure d'Atreus. Améliorer ta hache, que tu peux mettre des runes à l'intérieur, des runes que tu peux aussi améliorer. Tu peux changer les pommeaux de ta hache, tu peux changer la lame, t'as les niveaux, comme tu disais, t'as les vertes, les bleus, les oranges et tout. Enfin, dans les menus, tu vas y passer du temps. T'as les pouvoirs d'Atreus, tu vas avoir. Et en plus, t'as les trucs, c'est juste des stats, ça va être. Bah, quand tu lances ta hache, c'est 6% de dégâts en plus. Est-ce que le plan séquence en avait besoin? Je suis pas sûr. Bah, en fait, c'est un jeu qui est allé chercher toute la complexité des action RPG, donc vraiment sur du loot, il y a des arbres de compétences, il y a vraiment... Il y a des zones optionnelles, il y a des boss cachés, il y a des défis supplémentaires avec les Valkyries, il y a les deux zones optionnelles du labyrinthe et du volcan, enfin, il y a vraiment du contenu, ouais, c'est vraiment un gameplay, jeu, tu vois, qui n'a rien à voir avec la narration, qui n'a rien à voir avec le propos, mais il est quand même là. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que moi, là aussi, où j'ai senti une sorte de petit décalage, c'est que quand tu vois la force, en fait, avec laquelle la narration est mise en avant, tu sens que c'est vraiment ça, la proposition. Tu sens que c'est ça qu'ils avaient envie de raconter. Tu sens que c'est ça, le cœur du jeu. Et le problème, c'est que... Ah, enfin, le problème, c'est pas forcément un problème, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a tout cet aspect-là, très jeu vidéo, comme tu le disais, et qui convoque, et... On a du mal à voir ce que ça fait là, surtout que parfois ça va vraiment venir casser le rythme de l'aventure en fait. Parce que déjà, bon, t'as les menus, déjà quand tu passes du temps dans les menus, bah, quand les enjeux narratifs commencent à monter un peu en intensité, bah, si tu dois quand même passer dans des menus pour, je sais pas, utiliser le sel de machin, je sais pas quoi, les petites cendres de trucs pour forger un morceau de ta hache, bah, c'est quelque chose, il y a quelque chose de paradoxal en fait. On a l'impression, moi j'ai vraiment l'impression de jouer à deux jeux un peu en même temps. J'avais d'un côté un jeu qui voulait aller tirer du côté de The Last of Us, vraiment raconter une histoire, en plus, bah, sur deux personnages, tu vois, qui est très centré là-dessus. Et de l'autre côté, vraiment, le action RPG, alors, bon, moi, c'est mes références, mais un petit peu du côté de vers Monster Hunter, des trucs comme ça, avec des objets, du loot, du craft, des boucles, en fait, très, très, très, très simples, en fait, des crochets qu'utilise l'action RPG pour t'engager dans le jeu, c'est-à-dire bah, des objets légendaires, le fait de débloquer de nouvelles compétences, toutes ces petites choses, toutes ces petites récompenses en fait qui te donnent envie de t'investir, alors qu'en fait bah, j'avais pas besoin, j'étais déjà investi dans l'histoire en fait. Et du coup j'ai l'impression que le jeu m'appelle sur deux tableaux constamment et j'étais un petit peu tiraillé et j'ai l'impression que lui aussi il l'est un petit peu quoi. Et là où tu peux être un peu lassé aussi, c'est sur bah, la succession de parfois des boucles en fait qui sont vraiment toujours les mêmes. Les puzzles, tu vois. Donc t'as les puzzles avec bah, la hache Léviathan. On fera peut-être, on peut faire une mini parenthèse. La hache Léviathan, pour le coup, elle est cool quand même. Non mais ça, on pourra en parler pendant des heures. Hein. La hache Léviathan, c'est vraiment une excellente idée. Même quand on récupère les lames, finalement, tu vois, d'un point de vue narratif, c'est très très fort. Et au final, en termes de gameplay, elles sont pas aussi intéressantes. Il y a vraiment un côté. De toute façon, God of War, je veux dire, tu te dis c'est le jeu de l'année, mais c'est pas si choquant, parce que dès que tu commences à détailler la qualité des animations, la qualité des feedbacks, la puissance du personnage, je veux dire, Kratos, ça a toujours été une brute, mais on n'a jamais ressenti ça avec autant de finesse et de Vraiment, c'est impressionnant, tu vois. Ça vraiment, ça te laisse des marques. Moi, j'ai souvenir de quand tu sais, t'as un coup que tu débloques un peu plus tard, ou quand tu achetais ta hache sur un type, tu peux sauter au moment où tu la rappelles lui défoncer sur la gueule. Mais c'est génial. Et quand c'est tu la récupères, que ça fait une balayette, tu sais, quand ça passe au niveau des jambes d'un ennemi, mais il se casse la gueule. Enfin, non, mais il y a des tonnes et des tonnes d'idées en termes de gameplay qui sont incroyables. Et le système de combat, bon, les exploite, mais te pousse pas forcément à les exploiter tout de suite. Mais dès que tu commences un peu à te pencher dedans, en termes de plaisir brutal et vraiment, tu vois, très très viscéral, le jeu il va très très très très loin, quoi. Bah, il delivers, comme on dit. Tu te dis, bon, les gars, ils se sont énervés, quoi. J'ose même pas imaginer la quantité de travail pour les animations. Genre, je me souviens d'une vidéo ou d'une image où ils montraient, en gros, ils avaient même été jusqu'à montrer les muscles qui se bandent, etc., pour vraiment ressentir le truc. C'est des choses, toi, dans l'instant, tu vois pas, c'est une fraction de seconde, mais eux, ils y ont pensé parce qu'ils savent que à la fin, toi, ça va te procurer plus de plaisir quand t'appuies sur tes boutons. Et donc cette hache, elle sert pour les combats, mais aussi pour les puzzles. Et le problème, c'est que parfois, c'est hyper répétitif. En fait, tu vas te battre contre des ennemis un peu aux œufs. On va y revenir peut-être après aussi. Ouais, ouais. Tu vas faire une petite boucle où tu fais, tu vas geler un truc. Et une fois que t'es au bon endroit, tu vas récupérer ta hache. Ça va dégeler le mécanisme qui va t'emmener au bon endroit. Et tu vas refaire un combat un peu aux œufs. Et enfin, sur la durée, tu vois, le jeu, j'ai l'impression quand même d'avoir enchaîné parfois vraiment la même action. En fait, parfois 5 fois de suite. Et c'était un peu fatigant. Ouais, le problème, c'est que ça vient, on l'avait noté là, ça vient aussi du fait que le level design finalement il se répète un petit peu. T'as souvent effectivement le même enchaînement de situations où tu vas avoir un moment de narration qui est quand même assez fort, bien amené, etc. Et tu vas avoir des moments où tu sens que le jeu, on est toujours dans ce côté tiraillement. Moi je me souviens par exemple toute l'ascension de la montagne, où dans la mine, plein de puzzles dans la mine des nains, c'est très long et finalement c'est des puzzles. On les avait déjà fait dans Ocarina of Time, donc c'est vrai que finalement tu te dis, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Moi je trouvais ça cool de se dire de temps en temps d'avoir ce genre de situation, parce que la hache c'est vraiment cool de pouvoir dire ah ouais, je peux bloquer des objets avec ça. Puis surtout, je veux dire, quand il la jette, t'as vraiment l'impression, tu te dis, là tout ce qui va se trouver sur sa route dans les 8 km qui viennent va être coupé en deux, hein. Tu sens vraiment la puissance du truc, encore une fois. Mais je pense que pour eux-mêmes, mon intuition sur ce jeu-là, c'est qu'ils ont eu tellement peur de pas proposer suffisamment de contenu qu'ils ont voulu rallonger certaines situations et que finalement ça a pas forcément desservi le rythme global de l'aventure. Tu parlais du bestiaire tout à l'heure, on a finalement une dizaine d'ennemis qu'on va revoir de plein de couleurs différentes. Tu sais, c'est un peu à la Street of Rage, hein. T'as le mec, puis après il vient, mais il a les cheveux bleus, puis après il a la tunique verte, mais finalement c'est les mêmes gars, les fameux demi-boss là, les trolls, ça c'est horrible, ouais. Mais je pense que là même on peut adorer God of War. Je pense que c'est difficile malgré tout de nier, je pense que tout le monde ça l'a ressenti. C'est vrai que toi t'as un moment qui est il y a un moment, mais j'étais tellement déçu. C'est tu disais tout à l'heure pour sauver Atreus, ouais, en fait il faut récupérer le cœur d'un gardien, et le truc en fait c'est genre tu vas dans les enfers, il y a un gardien qui regarde, en fait, je crois, c'est pour vérifier si les gens sont bien des âmes mortes ou je sais pas trop, un truc comme ça. Il surveille un peu les gens qui passent de la vie au trépas, n'est-ce pas? et tu t'attends du coup à un boss, tu vois, à un vrai truc original, et c'est un putain de reskin, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que finalement, ces ennemis-là, ils sont intéressants parce qu'ils servent beaucoup le gameplay. T'en as un très très tôt dans le jeu, dans le prologue, t'en as un juste avant d'affronter Baldur, t'en as un. D'ailleurs, cette première séquence, c'est vraiment la first hour expérience, mais t'es parfaite. C'est génial. C'est au poil de cul. Ça commence, un petit peu de narration, on commence à discuter, les ennemis, le premier puzzle avec la hache. Moi, j'étais, ça sert à ça. Bim, ensuite, le troll. Puis visuellement, tu te prends des claques non-stop. Et ça se termine sur le combat contre Baldur, là, c'est Dragon Ball Z. C'est génial. C'est le meilleur combat. En fait, c'est fou, c'est que c'est le meilleur combat du jeu, tu vois. Qui est au début. Moi, ce combat-là, je crois que j'étais déjà en train de râler sur le jeu. Et ce combat-là, par contre, j'ai rien dit parce que j'étais là, genre, putain, mais c'est génial, quoi. C'est vraiment incroyable la mise en scène, et puis surtout avec cette caméra qui suit tout le temps le truc. Moi quand il prend toute la séquence où Baldur t'envoie dans l'arbre et où il t'envoie dans un caillou là, toi tu l'enfonces dans un caillou puis tu traverses le caillou, enfin t'es là genre et t'as les transitions où genre tu le frappes et ça devient une cinématique vraiment pile à ce moment là où il va t'envoyer, enfin il y a vraiment tout, et tu vois tu vois jamais les raccords ni quoi que ce soit, pour toi t'es toujours dans le même temps, quoi. Donc ça c'est vraiment incroyable. Mais plus tard finalement ce qu'on fait dans cette heure là ça va être reproduit, étendu, etc. Et le jeu, en fait, moi, le moment où vraiment j'ai commencé à perdre un peu le fil, c'est quand t'as croisé Freya. Donc c'est un passage un peu important parce que du coup, il y a Atreus qui vient enfin de réussir à tuer un animal, hein, parce que qu'au début, il y a une séquence où Kratos l'aide à chasser et il a peur, en fait, il n'ose pas envoyer sa flèche parce qu'il n'a pas envie de tuer l'animal, c'est un enfant. Kratos, rends-toi compte, c'est un enfant, bordel, il n'a pas envie de tuer des gens. Et quand même, il réussit à tuer un sanglier. Le problème, c'est que c'est un sanglier d'une. Sacré, de je sais pas quoi, de Freya. Il le présente comme un ami, je crois. Ouais, ou d'un ami. Ouais. Enfin, voilà, bon, en gros, il n'aurait pas vraiment dû le tuer parce qu'en plus, ils n'avaient pas vraiment raison de le tuer en réalité. Hein, je veux dire, c'est pas comme s'il mangeait. Hein, donc, c'est non, mais ils n'avaient pas vraiment de raison, c'était un peu gratuit. Et donc, forcément, c'est ce qui amène à la rencontre. Et après ce passage-là avec Freya, tu te retrouves dans l'espèce de grand hub qui est l'énorme lac central. Ouais. Et là, le jeu, en fait, c'est là où pour moi, je me suis dit, ok, en fait, c'est plus du tout un truc linéaire. Ouais, d'un coup, ça devient. Alors. Je mets des grosses guillemets, un Zelda-like, c'est-à-dire qu'on a une zone centrale, on a des directions qui nous amènent à différents donjons, et t'as chaque donjon, t'as les donjons optionnels, t'as les donjons pas optionnels, et finalement, d'un coup, le fait que ça redevienne aussi violemment un action RPG, pour moi, ça m'a un peu cassé justement l'immersion dans la narration, parce que, en fait, je pense que c'est incroyable, mais parce qu'on a beaucoup râlé hein, pendant des années sur les jeux, tu vois, linéaires, etc., mais en fait, lui, il aurait été super s'il avait été linéaire du début à la fin, parce qu'en plus... Moi, des combats comme Baldur, je me suis dit, si ça, on a ça au bout d'une heure, c'est quoi les combats dans deux heures ? C'est vrai, c'est quoi le combat de boss de la fin du jeu ? Et finalement, bah, c'est un peu un anti-climax, parce que finalement, le combat final contre Baldur, il n'est pas aussi intéressant. Le personnage de Baldur en lui-même n'est pas vraiment développé, parce que finalement, c'est un peu un faire-valoir, il est un peu dangereux, parce qu'il est immortel et tout le bordel, mais... Le vrai cœur du jeu, ça reste la relation entre Atreus et Kratos, donc tous les autres personnages gravitent un peu autour de cette situation-là. Et je me suis même souvenu, quand on a fait la préparation de l'émission, qu'il y avait deux autres types à un moment que tu combats, dont j'ai oublié le nom. Il y en a un qui a une épée et l'autre. C'est les enfants de Thor, et donc ce qui fait donc de les neveux de Baldur. Ouais, voilà. Bon, bref. C'est vraiment là. Ça me fait penser un peu, tu sais, les familles. Ah, ta gueule à la de redneck aux États-Unis. Tu vois, ouais, je suis avec mes potes, tu vas voir, ça va moins rigoler quand ils vont tomber tous les deux dessus. Et en fait, ces deux gars-là, bah, en plus, le pire, c'est que le combat, c'est pendant une grosse discussion qui est relativement importante avec Atreus, et tu les défonces, et le jeu lui-même en a rien à foutre, quoi. Tu vois, tu sens que le jeu lui-même s'en fout un peu de ce passage-là. C'était un peu dommage. Donc, c'est vrai que moi, c'est le moment vraiment où, après Freya, là, boum, t'arrives dans cette espèce de plaine d'Hyrule, qui est finalement un lac. Et plus tard, en plus, tu vas récupérer la fée, là, parce que du coup, quand tu vas sauver la tête du mec, lui, après, ça devient. Hey, listen, tu vois, tout le temps, il est tout le temps en train de parler, il est tout le temps en train de faire des commentaires, là, l'espèce de tête du type. Et finalement, bah, ça devient effectivement un autre jeu. Et tu sens que l'autre est un peu pas noyé, mais en tout cas, il est en permanence tiraillé, en permanence, ils sont en train de se battre, ces deux jeux-là, quoi. Il y a deux enjeux en permanence. Et c'est con, sur l'aspect linéaire, tu vois, le jeu a des choses à proposer, notamment, t'as tout le passage dans le royaume des elfes noirs, elfes blancs et tout, qui est sympa. Alors, mais... Visuellement, c'est incroyable. Ouais, mais c'est à peu près. L'ambiance. Ouais, non, mais c'est. Il est cool, ah, mais. C'est magnifique, quoi. Mais je crois, je pense que c'est à peu près à ce moment-là ou un peu après que tu tombes, en fait, peut-être sur ta première quête annexe filée par un nain. Et c'est vrai que là, c'est un peu. Enfin, en termes de quête annexe, on est un peu dans les gros poncifs du jeu vidéo où c'est bah va là-bas, chope-moi l'objet et reviens. C'est pas très intéressant. Non, ben bah, en fait, c'est peut-être ça le souci, c'est qu'ils ont une très très bonne mécanique avec la hache, mais ils l'exploitent peut-être pas suffisamment, où ils mettent trop de fois les mêmes situations ou toujours les mêmes trucs. Genre, d'abord tu dois bloquer, bon, ensuite tu dois bloquer, mais tu dois être de l'autre côté de la porte, comme ça pour la rebloquer juste après. Et c'est finalement un peu toujours la même chose, c'est dommage, ils ont peut-être pas assez poussé ça. Le passage chez les elfes, c'est des trucs avec, tu sais, t'as des racines qui sortent, etc. Ouais. C'était un peu fastidieux. Moi, c'est finalement mon regret. C'est peut-être que le jeu, il aurait dû. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que vraiment qu'il aurait dû avoir le côté linéaire à fond sur l'histoire et nous proposer quand même tout ce côté annexe, parce que finalement, le gameplay, moi, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, mais en fait, le système de combat, il est pas si mal. Tu vois, je sais pas, toi, si t'en parlais, au final, tu vois, le combat, pendant le jeu de base, tu t'en rends pas trop compte. Dès que tu commences à faire un peu les défis ou t'attaquer aux défis, là, moi, c'était dans le labyrinthe, tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de potentiel derrière. Ouais, moi, c'était au moment du volcan, là, que tu montes un peu, t'as différents défis, là, qui sont vraiment purement vidéoludiques, hein, ils sont pas du tout dans l'histoire, c'est vraiment, voilà, tu tues 100 ennemis qui spawnent et t'as ta récompense, quoi. Mais, bah, c'est le seul moment où, moi, j'ai senti le gameplay exploité, où vraiment, bah, là, j'avais 100 ennemis et j'ai commencé à me dire, bon, bah, je vais peut-être commencer à combiner des moves un peu entre eux, parce que jusque-là, bah, c'était juste, enfin, si tu tapais un peu, enfin, ça passait, et même si le niveau de difficulté était un peu trop dur, je trouve que le jeu, enfin, le bestiaire, le mouvement des ennemis te pousse pas, en fait, à vraiment réfléchir aux différents mouvements que tu peux faire. T'as juste un truc à la rigueur, c'est que t'as des ennemis qui ont un bouclier, et ça c'est un move que tu dois débloquer dans l'arbre de compétences, le fait de pouvoir, tu vois, l'arracher. Bouger leur bouclier, mais, et encore, tu vois, c'est un peu maladroit, je trouve, parce que si t'as pas la compétence, c'est chiant, mais c'est je trouve que le bestiaire n'exploite pas vraiment toutes les possibilités que la hache peut apporter, quoi. Mais c'est ça, en fait, qui est un petit peu, que moi je trouve terrible, c'est que tu sens derrière tout le travail qui a été fait à ce niveau-là. Moi, j'ai fait juste le jeu principal, c'est-à-dire que moi, quand j'ai répandu les trucs, les cendres, j'ai fait cette top, tu vois, parce que honnêtement, j'en pouvais plus. C'était un peu viscéral comme déception parce que les 10 premières heures, j'avais adoré. Franchement, il y avait les elfes. Il y a ce moment dont on a parlé, la récupération des lames. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je me dis, tiens, c'est quand même quoi. Et après, en fait, les 10 heures d'après, j'avais l'impression que le jeu n'avait plus vraiment trop d'idées, tout simplement. Il avait, en termes de puzzle, il avait plus grand chose à raconter. Il n'y a jamais aucun passage qui, pour moi, en thème d'environnement, direction artistique, est aussi fort que le passage avec les elfes. Parce que bon, après, c'est de la montagne, c'est de la glace, quoi, et c'est pas aussi marquant. Ouais, c'est vrai qu'il te met tout dans la tronche dès le début. Exactement. Bah, l'enfer, finalement, c'est un truc très éthéré. Et puis, tu y viens deux fois. Ouais, non, mais la deuxième fois, quand tu repasses par la mine, t'en as un peu. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que j'en avais un petit peu marre. Et c'est triste parce que tu te dis, d'un côté, il y a tout ce travail qui est fait sur le système de combat, il y a plein de moves différents, des animations qui ont dû prendre des tonnes et des tonnes de temps à tout être modélisé, en plus de manière magnifique, enfin vraiment c'est à chaque fois époustouflant, et tu te dis c'est dommage parce que ça ne sert pas vraiment tout ce que vous avez voulu raconter, ou alors ça sert à un autre jeu quoi. Et mon problème, c'est que je trouve que comme il est constamment tiraillé entre ces deux propositions, je n'ai pas l'impression qu'il arrive à tutoyer les sommets dans chacune de des propositions. Je ne trouve pas aussi fort que The Last of Us, en fait, sur le point de vue histoire-narratif. Je me souviendrai probablement plus de The Last of Us, je pense, même s'il s'en approche. Et du côté gameplay vraiment action-RPG, bah, y a d'autres jeux qui font, je trouve, très bien ce qu'il essaie de faire, quoi. Et en plus, qui, comme il ne m'embête pas avec une histoire, me pousse à aller vraiment sur ce côté-là et à exploiter le système de combat dans toutes ses possibilités, quoi. C'est toujours le problème quand t'essayes de... Alors, ça va être un peu bateau, mais tu vois, t'as vraiment deux objectifs qui sont tellement diamétralement opposés que forcément, à un moment donné, tu pourras pas les atteindre, tu vois. C'est comme les feuilles de personnages, là, dans les hexagones tu te dis, il voulait aller côté narration, t'avais aller gameplay, mais t'avais pas assez de points de stats pour aller au bout des deux. Donc, finalement, t'es un peu Jack of all trades, Master of none, et puis du coup, mais c'est dommage parce que finalement la proposition qui était la première de l'histoire, moi ça m'a vachement accroché tout de suite, vraiment de me dire ils auraient dû conserver ça peut-être jusqu'au bout, mais le fait est que le jeu il a cartonné de ouf et c'est le jeu de l'année, donc tu vois c'est nous qui râlons dessus, il faut reconnaître. Le je pense justement que ça va par contre il va être vraiment être extrêmement intéressant de suivre quelle va être l'évolution de la série à partir de cet épisode là qu'est-ce qu'ils vont en retenir, qu'est-ce qu'ils vont noter eux, qu'est-ce qu'ils ont déjà noté parce qu'ils ont déjà dû faire je pense des post-mortem en interne pour savoir un peu ce qu'il en est. On va avoir normalement une grosse conférence à la GDC donc en début d'année prochaine, début 2019, de Cory Barlog qui va parler justement du design du jeu, donc je pense que ça va être très intéressant à suivre. J'espère qu'il y aura d'autres confs de gens de Santa Monica qui seront acceptés, et à mon avis, enfin, moi je sais que je vais la suivre, je vais regarder limite en direct si c'est possible pour voir un peu ce qu'il en est, quoi. Oui, clairement, il y a plein de choses intéressantes, et on verra en fait si cette direction va plutôt suivre une direction narration, une direction gameplay, ou encore les deux. Est-ce qu'ils vont être est-ce qu'ils ont plus de liberté maintenant que maintenant ils pèsent, tu vois, enfin God of War, comme tu disais, jeu de l'année aussi auprès des joueurs. Et puis c'est très très bien vendu aussi, faut quand même le dire. On va voir un Cory qui dit maintenant j'ai plus de liberté. Est-ce que comme on en parlait au début, tu vois, de toute cette pression qui pesait sur le truc comme ça, c'est un petit peu parti. Est-ce que Cory va pouvoir se permettre éventuellement de plus se focaliser sur la narration, ou au contraire est-ce que ce succès va vraiment mettre une nouvelle pression en fait qui sera de faire la même chose. Ce qui est sûr c'est que maintenant Sony va lui lâcher un peu la grappe sur certains aspects, c'est-à-dire que mine de rien il a quand même gagné des points de confiance, tu vois, sur sa barre de conscience, il a prouvé que sa vision elle avait sa place, quoi. Ouais. Elle a sa place, et en plus de ça moi ça me choque pas en fait, tu vois, que ça soit le jeu de l'année, parce que même si c'est pas le mien, c'est quand même un jeu qui est vraiment symptomatique de ce qui se passe dans l'industrie du AAA aujourd'hui. C'est une industrie qui, et eux l'ont fait peut-être même plus que les autres, qui est capable de porter un regard sur tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, de se rendre compte que effectivement on réfléchit aujourd'hui dans le jeu vidéo, on s'est peut-être dit peut-être qu'on était un peu débile avant sur la représentation des femmes, sur les machins, sur les bidules, la violence et tout, est-ce qu'on peut pas faire autre chose, est-ce qu'on peut pas réfléchir, et le jeu y arrive en fait, le jeu vraiment est la démonstration qu'ils arrivent à se remettre en question et à quand même conserver cette excellence qu'ils ont dans le côté bestial du personnage, parce que c'est vrai que te débrouiller avec un personnage comme Kratos, tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu verras Kratos plus tard, il va s'occuper de ses enfants et ça sera un type super intéressant et franchement père de l'année, t'es là genre mais jamais, enfin... Ça rappelle le pitch où il y a The Rock et Babysitter, je crois, un truc comme ça. Ouais, non mais voilà, ça donne ce genre de phrase un peu étrange, et tu vois aujourd'hui, finalement tu dis Kratos c'est possible, ils ont réussi à créer en fait un personnage à partir d'une vieille coquille qui était un poids pour eux, et ils ont non seulement réussi à créer ce nouveau personnage là, mais en plus ils te font accepter le fait que avant c'était comme ça, on l'accepte, on vit avec, et on va maintenant aller dans une nouvelle direction. Alors, est-ce que Atreus va prendre un poids plus important? Est-ce qu'on va jouer Atreus? Est-ce que Atreus va tuer Kratos? Est-ce que Thor va tuer machin? Est-ce que Kratos, ça, dans Smash Bros? Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des vraies questions qui se posent désormais pour la suite, quoi. Non, mais et tout à l'heure, je parlais de ce jeu, finalement, qui est un peu entre deux propositions, mais ça en fait, finalement, un jeu qui est extrêmement complet, en fait. C'est-à-dire que dans tous les critères, si tu prends graphisme, il pète la tronche. Ah bah si oui, tu hein. prends combat, il est présent. Histoire, il est présent. Le contenu, sound design, il est présent. Le doublage. Est, voilà, en plus, tu sens tout le talent, l'argent qui est. Ben oui. L'argent qui est. Tu qui sens chez, l'argent. Chez l'argent, Sony. Il coche les cases. Hein, non, ça, c'est mais bon. Moi, vraiment, quand tu vois les animations, en fait, le build-up, il y a vraiment un soin qui est apporté à tout ça. Et tu dis, en fait, ouais, c'est normal que ça soit le jeu de l'année. Moi, c'est pour ça qu'à l'épisode précédent, je vous dis, ce sera God of War et j'en avais aucun doute. Parce que. Il a toutes les armes, en fait, pour convaincre à peu près n'importe qui. Et aujourd'hui, dans les exigences, on va dire, qu'on a autour du jeu vidéo AAA mainstream comme ça, c'est un jeu qui répond présent partout et qui, en plus, bah, dépasse les attentes sur certains niveaux, quoi. Ouais, parce qu'en plus, il y avait encore de la marge pour qu'ils proposent du contenu supplémentaire. Ils ont proposé le fameux mode photo qui était complètement génial parce que tu pouvais. Moi, je regrette d'avoir fait le avant parce que j'aurais bien voulu le refaire juste pour m'amuser avec le mode photo où tu peux t'amuser à changer les expressions faciales des personnages et te refaire complètement l'histoire et t'imaginer une espèce de. Là, pour le coup, vraiment vivre le road trip avec eux et. Et tu te dis, ils avaient encore de la marge, ils auraient pu rajouter d'autres défis, ils auraient pu rajouter des nouvelles armes, un mode New Game Plus avec, tu sais, à la World of Warcraft, ils repoussaient le niveau max est-ce à chaque fois. Il n'est pas arrivé le New Game Plus, il y en a si, pas. Si, il me semble qu'il y a un truc qui a dû arriver, ouais, il y a dû avoir quelque chose qui est arrivé dans ce délire-là. Il y a pas encore de DLC, il me semble, hein, ça peut toujours. Mais je serais surpris. Ah ouais bah, après là, avec The Game Awards, je veux dire, c'était quand même le meilleur moment pour l'annoncer. On sait déjà que Sony est en train de revoir quand même globalement sa façon de communiquer parce qu'ils sont pas présents à l'E3 2019. Ouais, c'est vrai, tu vois. Je pense qu'ils ont été tous très fatigués. Tu vois la réaction, les fameuses larmes là de Corey quand il lit les notes métacritiques, c'est vraiment genre bon, allez maintenant on se calme, on se prend un peu de temps, on souffle et on repart. Donc ils sont probablement en train de faire du brainstorming, de la pré-production pour la suite. Ils ont probablement déjà des tonnes de choses qui sont mises en place. Mais moi ça me choque pas qu'ils lâchent ce God of War. Tu vois, parce que justement comme tu dis, c'était un objet finalement assez complet. Ouais. Parce que moi ce que j'ai peur, c'est que ça déséquilibre encore plus. Parce que ce déséquilibre, nous on le ressent, mais la plupart des gens ont trouvé ça bien mieux manifestement. Mais j'ai peur que s'ils donnaient un côté très narratif, les gens râleraient parce qu'ils voudraient autre chose. Et s'ils donnaient un côté trop gameplay, tu vois, dans le DLC, ils se diraient, bah oui, mais moi, en fait, je voulais un peu plus d'histoire. Ouais. Et ils auraient dû faire un condensé et ça aurait demandé un travail, mais j'ose même pas. Réussir à refaire un ensemble à peu près cohérent. Mini God of War, tu vois, de quelques heures, ça aurait été vraiment très compliqué pour eux, quoi. Oui, pourtant, moi, c'est vraiment ce qui lui manque, tu vois. C'est un God of War qui dure 10-15 heures. C'est vrai qu'être un peu plus concis, peut-être. Ouais, laisser un peu moins de complexité dans les mécaniques d'action RPG, s'épurer un tout petit peu, je pense qu'il gagnerait. Bah, à mon avis, je mets le doigt dans le vent, mais je pense que c'est comme ça qu'ils vont aller. Parce que je pense que même eux ont dû ressentir qu'il y avait quelques lourdeurs, quelques ralentissements dans le rythme du jeu à cause de ces menus. Donc, ils vont probablement simplifier certaines choses. Est-ce qu'ils vont pas proposer des choses simples qui permettent d'éviter d'avoir trop de menus? C'est-à-dire de retrouver des nouvelles armes, d'avoir des nouveaux gameplays, de changer des pouvoirs, des bracelets, j'en sais rien. Enfin, des choses qui permettent de t'intégrer au gameplay et pas dans des menus. Je pense qu'ils vont essayer un peu d'aller dans ce sens-là pour peut-être simplifier et aller par contre. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont parce que moi, j'ai vraiment vécu assez mal le fait qu'on ait plus ce côté badass et cette mise en scène incroyable. Moi, la scène d'intro de God of War 3, je m'en souviens comme si c'était hier. La grimper sur le mont Olympe, le combat contre Poséidon et tout, c'est n'importe quoi. C'était oufissime. Ouais, enfin, c'est ça que j'avais envie de ressentir dans un God of War. Et là, ce God of War-là, il est intimiste. Ok, il met en place Kratos, il remet en place Atreus, machin. Donc, j'espère que sur le prochain, ils vont se dire allez, cette fois-ci, on passe la seconde, on y va pour de vrai. Ouais, c'est marrant, c'est le premier God of War que j'ai fait, j'ai pas du tout fait les autres, mais je me rends compte, alors je sais pas pour vous, mais c'est vraiment en ayant repensé au jeu et en ayant parlé avec vous, en fait, que je trouve l'histoire plutôt bien au final. Enfin, je trouve que il y a plein de moments intéressants dans la relation Kratos-Atreus, et à la fin du jeu, en fait, j'avais pas du tout cette impression, parce que je pense que ça a été complètement dilué, en fait, toute l'expérience. Et là, le fait d'être replongé dedans et d'entendre Corey Barlog qui te fait comprendre que c'est vraiment ça l'histoire. Bon, t'as pas forcément besoin de lui pour comprendre, mais qui te fait vraiment comprendre à quel point l'accent était dessus, et le fait de revoir toutes les scènes du coup pour le coup la suite à la scène à les unes à la suite des autres pardon, sans avoir à faire de puzzle, de rebattre un troll pour la quatrième fois entre les deux, bah j'ai trouvé ça vachement plus intéressant et réussi en fait. Bah, c'est pour ça que finalement c'est ce que dit Exerve, c'est la suite, on les attend un peu plus là-dessus parce que c'est ce qu'il en reste de ce jeu-là, c'est ces moments narratifs, c'est cette histoire, c'est cette relation entre Kratos et Atreus, donc c'est pour ça que si on espère quelque chose du 2, c'est peut-être qu'il se recentre un peu plus là-dessus, quoi, effectivement. Et du coup, je crois qu'on va pouvoir terminer. Est-ce que il y a encore des choses à ajouter sur God of War? Je ne crois pas. Pas sur God of War. J'avais noté un tout petit truc, je savais pas où caser. Ah, citation, pas une citation, vous avez. Ah, merde. Bon, alors, à bientôt. À bientôt. C'était juste un exemple intéressant pour nourrir un peu l'esprit, n'est-ce pas, qui était Virginia. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, qui est un walking simulator. Et lui, en fait, il a une autre intention de narration dans sa mise en scène, où lui, il fait des cuts dans le gameplay. En fait, il y a des moments où tu marches et le jeu cut était genre 10 mètres plus loin. Où il y a un moment tu descends un escalier, il cut et t'es un étage plus bas. Et après dans tout le jeu en fait il va te téléporter un peu de scène en scène et tu vas vivre un petit peu ça de façon presque onirique en fait. Le jeu en soi, enfin moi j'ai pas adoré, mais en termes de mise en scène c'est un truc vraiment que j'ai retenu de ce jeu. Et c'est marrant de voir qu'on peut en fait jouer avec le montage de deux façons complètement différentes. C'est complètement opposé effectivement. Ouais. Ah bah de toute façon le jeu vidéo ça reste un média dans lequel tu vas pouvoir en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a toujours eu cette confusion pendant des années sur l'omniprésence du cinéma dans le jeu vidéo. C'est qu'en fait on peut réutiliser tous les codes du cinéma et il faut également y intégrer les codes du jeu vidéo. Et là-dessus God of War, on en a parlé tout à l'heure, quand tu dois contrôler Atreus mais qui t'écoute pas, bah, ils ont réussi en fait à vraiment lier les deux. Et là, est-ce que le prochain va conserver le côté plan séquence? À mon avis non, parce que je pense qu'il n'y en aurait plus besoin, tu vois. Je pense qu'on sera peut-être moins sur ce côté construction, peut-être qu'il y aura une relation un peu différente, parce que justement ce qui serait intéressant, et peut-être je me trompe hein, on verra, mais c'est que justement en changeant le setup de caméra en fait ils vont pouvoir tout de suite installer une autre relation pour te dire on est passé à autre chose, on a passé une étape entre Kratos et Atreus, maintenant on est dans une autre relation entre les deux, ils fonctionnent pas de la même manière, ils sont peut-être plus complémentaires, peut-être que Atreus aura grandi, alors du coup il est peut-être un peu plus un peu plus autonome, donc t'as plus besoin vraiment de le contrôler, il fait sa vie. Enfin, moi je suis quasi persuadé là, maintenant qu'on en parle, qu'ils vont justement changer un peu les angles de caméra pour te signifier tout de suite, pouf, on est passé à autre chose, c'est God of War 2. Non mais voilà, je pense qu'on est tous les trois très curieux, et finalement c'est réussi, ça veut dire que ce reboot, il est vraiment réussi, et qu'ils vont pouvoir retravailler maintenant cette licence et lui donner encore de la place sur une PlayStation 5 qui de toute façon à un moment arrivera ou un autre, il n'y a aucune raison qu'ils en fassent pas encore, et va prendre de la place, et de toute façon Cory Barlog l'a expliqué, en fait lui il a toute l'histoire déjà dans la tête, et il a pris une petite fenêtre, c'est ce premier God of War, et les autres jeux seront d'autres fenêtres sur cette espèce d'histoire, quitte même à pouvoir parler du moment où justement Kratos part de Grèce pour arriver jusqu'au moment dans le royaume nordique, il s'est probablement passé des choses comme ça. D'ailleurs, je crois que j'ai même lu en fait qu'il disait que c'est marrant parce que Kratos il a fait des choses, et vous savez Kratos apparaît dans Shovel Knight. Et en fait, il dit, c'est canon, parce qu'en fait, on peut imaginer que Kratos ait fait des choses comme ça pendant cette période-là. Et du coup, Shovel Knight est canon dans l'histoire de God of War. Mais disons qu'en fait, il va peut-être pouvoir raconter ce moment-là par un flashback. C'est quand même facile à faire. Et donc, tout est prévu. Il a dit qu'il en a pour 5 jeux. Je sais pas combien de temps ça durera, Sony lui donnera dessous. Et un truc, tu vois, je suis en train de percuter là pendant qu'on en parle, c'est que finalement, comparé à d'autres licences des vieilles années, tu vois, qui ont essayé de se transférer, ça fait partie des rares qui ont aussi bien réussi. Ah oui, Tomb Raider a fait sa transformation, souvent, hein, mais c'est pas autant. On va sortir les trucs à la Duke Nukem, tout le monde va rigoler. Doom, ils ont réussi, mais ça leur a pris quand même plusieurs reboots annulations avant Doom, de s'en sortir. Ça a été assez compliqué. Fallout, lol. Ils y arrivent toujours pas. Et il y a plein d'autres séries comme ça qui finalement viennent de l'ancien temps, tu vois, d'une ancienne époque du jeu vidéo. Et eux, ils ont réussi avec peut-être celle qu'on attendait le moins. Ouais, vraiment. Qui était vraiment la plus. Ouais, vraiment. Je veux dire, quand dans les années 90, on disait les jeux vidéo, ça rend stupide, c'est décérébré, machin, c'était God of War. Je veux dire, c'était l'arcade, et t'avais God of War, et il tapait comme un débile, et t'avais les QTE, c'était juste pour arracher la tête d'un mec, puis après, une fois que t'avais arraché sa tête, t'enfonçais son poing dans ses entrailles, et puis t'allais chercher un truc, tu vois. Je suis sûr, je me souviens des poings d'Hercule dans God of War 3. Magnifique. C'était moment, une violence. Magnifique moment. Et donc, je m'attendais pas à ce que God of War arrive à faire cette transformation-là, et ils ont réussi, donc même si à titre personnel, j'ai pas pris mon pied autant que j'aurais aimé, bravo, malgré tout, parce qu'ils ont réussi un truc qui était quand même méga difficile. Ouais, ils ont transformé l'essai. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci messieurs, encore une fois c'était très cool. Je crois qu'on a dépassé l'heure hein, pour ce... un petit peu plus, mais bon ça va, on n'a pas trop éclaté le format encore. On a encore quelques épisodes de marge pour vous faire des épisodes de 3 heures. Exactement, du coup bah, on se retrouve probablement dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année 2018. Le troisième pilote. Mettez les petites étoiles, on est dispo maintenant sur toutes les plateformes. Ouais, ça y est, normalement là... Non, bah, peut-être pas 10 heures, peut-être 10 heures pour ce deuxième épisode. Normalement, ils sont censés récupérer le feed de Apple. Voilà. Donc voilà. Au moment où on sort, il y a des chances qu'il y ait un petit décalage avec iTunes, mais maintenant, on est validé chez eux, donc on va apparaître. Vraiment, ouais, n'hésitez pas. Ça paraît tout bête, mais continuez de. Si vous avez sur une plateforme la possibilité de noter ou de vous abonner, faites-le. C'est très important. Parce que déjà, nous, ça nous permet d'avoir des retours assez quali, et puis ça nous permet de mettre en avant le contenu. Donc si ça vous plaît, faites-le tout simplement. Et si ça vous plaît pas, expliquez-nous pourquoi. Nous, on essaiera de voir ce qu'on peut éventuellement modifier. On fera partir Max un peu plus loin avec son microphone. On en achètera un nouveau. On fera des trucs, mais Je me suis un peu éloigné parce que mon micro captait un peu trop les autres. Du coup, je suis à 1 mètre des autres. Là. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game. Ciao. Salut.